بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد ف cette nuit, la nuit du 6 du mois de Rabi' al-Akhir de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le plaisir de nous réunir dans notre mosquée, Masjid al-Rahma, de la ville d'Evry, du quartier Chantier du Coq. بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرامه. Pour une assise où nous allons traiter de plusieurs sujets, inshallah ta'ala, qui ont attrait au manhaj, à la méthodologie. La méthodologie de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Et cette assise sera suivie, comme vous l'avez entendu, et c'est pour cela que vous êtes venus nombreux, Allahumma barik, qui sera suivie d'une assise plus décontractée, inshallah ta'ala, autour de du thé, de gâteau, alhamdulillah. Pour commencer, ayyou al-ikhwa, le titre du cours d'aujourd'hui est Thawabit Adu ila Teshkiki Fiha. Des bases, des fondements sur lesquels ils jettent le doute, ou ils sont revenus à jeter le doute à propos de ces fondements. J'ai choisi ce titre sur le titre d'un cours ou d'une allocution de Ash-Shir Abu Anas Mohamed ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, ce cours qui a été donné en 1434, et la date est importante ici, comme vous allez le voir, en 1434, c'est-à-dire il y a 13 ans. Dans ce cours, Sheikh traita de trois sujets, de trois bases, de trois fondements à propos desquels ils sont revenus à jeter le doute. Lorsque nous disons « ils » ici, ce sont des gens qui sont des détracteurs, des gens de la sunna, des gens qui ne sont pas d'accord avec eux parmi les gens de l'innovation, mais aussi certaines personnes qui font partie des gens de la sunna, mais qui n'ont pas compris ces fondements par ignorance, par suivi des passions, par suivi des ambiguïtés. Et ceci est important, comme nous allons le voir ici. Ces trois sujets, ou ces trois bases qui ont été évoquées par Sheikh, nous allons les évoquer rapidement, car ces trois sujets, comme les autres sujets que je vais aborder ici, Inch'Allah ta'ala, on ne va pas dépasser une heure de cours. Arrêtez-moi si on dépasse, puisqu'on a beaucoup de choses à faire encore après. Inch'Allah ta'ala. Le but, c'est, comme on l'a déjà fait précédemment, lors d'une série qu'on avait appelée Assise ouverte, ou lors de la série qui était une explication au chapitre de Al-I'tisam, le cramponnement au Qur'an et à la sunna du sahih de l'imam al-Bukhari, ou autre que cela parmi ces séries de cours qui traitent de la méthodologie du manhaj, ce sont des assises que nous faisons afin de s'enjoindre mutuellement à la piété, sans aucun doute, mais aussi à la patience, et se rappeler ces bases et ces fondements que, même si elles sont connues de certains, pour certains elles ne sont pas connues, donc ceux qui ne les connaissent pas, ils les apprennent. Ceux qui les connaissent, ceci est un rappel pour eux. Et ceux qui les connaissaient, qui les ont oubliés, comme je l'ai dit ici, par suivi, parfois des passions, parfois des ambiguïtés, parfois par manque de révision, parfois parce que ces fondements et ces bases, tu ne les entends en particulier à notre époque que très peu. Eh bien, ces assises nous permettent de réviser et de nous rappeler, et que celui qui ne connaissait pas ces bases les apprenne, que celui qui les avait oubliées ou qui a eu des ambiguïtés à propos de ces bases, se rappelle, et afin de dissiper ces ambiguïtés. car ces ambiguïtés peuvent être dissipées par l'ikhlas, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala dans l'apprentissage de sa religion, de même que par la science profitable et bénéfique. Une personne qui peut être sincère, vouloir sincèrement le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala par sa recherche de la science, par ses actions, mais qui ne trouve pas d'éducateur, qui ne trouve pas d'enseignant, qui ne trouve pas une personne qui va lui donner cette science qu'il recherche et pour laquelle il est sincère dans son apprentissage, cette personne-là peut tomber dans ses ambiguïtés très facilement. Donc cette assise, afin de nous rappeler, de nous enjoindre mutuellement à la patience, de nous rappeler ses fondements, comme je l'évoquais de maintes reprises, « As-sahaba, ridwanullahi alayhim, kanu yatadhakaroun al-iman » Ils révisaient la foi, ils se rappelaient les uns les autres la foi, ils s'asseyaient ensemble pour se rappeler la foi, et ils étaient qui ils étaient. Les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Alayhim salatu wassalam. Wa radiyallahu an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ajma'in. Ici, en introduction à cette assise ayyuha al-ikhwa, je vous rappellerai que le manhaj, les gens de la sunna, la méthodologie, les gens de la sunna, est un manhaj qui est clair. Qui est clair dans ses fondements, qui est clair dans sa mise en pratique, qui est clair dans sa prédication. En effet, il est rapporté dans un hadith qui est bon, qui est rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah, dans le sous-chapitre la porte de l'évocation de As-Sam' wa Ta'a, l'écoute du gouverneur et son obéissance. Il rapporta dans ce sous-chapitre un hadith rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui a dit, dans le sens de ses paroles bien sûr, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, fais-moi des recommandations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, adore Allah et ne lui associe rien. Accomplis la prière. Acquitte-toi de la zakat. Jeûne le mois de Ramadan. Effectue le pèlerinage. Et effectue la umrah. Écoute et obéis au gouverneur, bien sûr. Écoute et obéis. Puis il termina en disant, عَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالسِّرِ. Donc, il termina en disant, sois clair, tu te dois d'être clair, et prends garde à faire des choses en secret. Et ce hadith qui a été rapporté ici est important lorsque nous voyons que cet imam Ibn Abi Asim a rapporté dans son livre As-Sunnah ce hadith dans ce chapitre, le chapitre de l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Sans aucun doute, tu te dois d'être clair, apparent, tu te dois de ne pas être secret, de faire des choses en caché, en secret, en cachette et en secret, et en particulier en ce qui concerne le gouverneur. Et c'est ce qui est voulu ici. Mais de manière plus générale et élargie, ceci montre la clarté de notre voie, de notre manhaj. Cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne qui lui a demandé de lui faire des recommandations. Après avoir évoqué sallallahu alayhi wa sallam les piliers de l'islam, à commencer par l'ordre de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, puis la prière, puis az-zakat, puis le jeûne du mois de Ramadan, puis le hajj et la umrah, il ordonna à cette personne d'écouter et d'obéir, car l'écoute et l'obéissance au gouverneur a une place très importante dans notre religion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'évoque ce hadith ici, en introduction aussi, au premier point qui a été évoqué par Cheikh Mohammed dans ce cours que je vais évoquer moi aussi ici en premier point. Et bien sûr, quand je dis que j'ai pris exemple sur le titre de son cours, je vais rapporter certaines paroles qu'il a tenues dans son cours, mais ce n'est pas une traduction de son cours. Barakallahu fikoum. Donc, ceci est très important. Ceci a une place importante, comme vous le savez. Et l'ensemble des savants de la sunna ont rapporté dans leur traité, traitant des fondements et des bases des gens de la sunna, un chapitre traitant de l'obéissance, l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Car ceci est un fondement chez les gens de la sunna. Ceci est un fondement chez les gens de la sunna. Et un fondement, un asl, parmi l'usul des gens de la sunna, qu'est-ce que c'est? C'est une chose, lorsque nous parlons de croyance, lorsque nous parlons de manhaj, c'est une chose que si une personne la contredit, un seul de ses fondements, elle sort de la sunna. Elle ne fait plus partie des gens de la sunna. Car ce sont bien les fondements de la sunna. Si tu contredis un fondement des gens de la sunna, tu ne fais plus partie des gens de la sunna. Et ceci fait partie des choses, je le dis en introduction du cours d'aujourd'hui, fait partie des points à propos desquels il jette le doute de nos jours. C'est-à-dire que cette chose que je viens d'évoquer, cette définition du fondement, lorsque nous parlons de croyance, lorsque nous parlons de manhaj, cette chose, ces personnes qui nous contredisent, ces personnes qui font partie des gens qui ne font pas partie des gens de la sunna, comme certaines personnes qui font partie de nous-mêmes, des gens de la sunna, mais qui ont suivi des ambiguïtés, qui ont été ambigus sur certains points, qui ont suivi leur passion, qui ont été ignorants sur certains points, ils jettent le doute aujourd'hui sur ce point-là. Le fait qu'une personne, lorsqu'elle contredit un seul fondement des fondements de la sunna, elle sort de la sunna. C'est-à-dire qu'une personne qui viendra contredire ce fondement-là, ce fondement fondamental, cette base fondamentale, l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur lorsque ce dernier ne t'ordonne pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci fait partie des fondements des gens de la sunna. Celui qui viendra contredire ce fondement, que cette personne appelle à se révolter clairement au gouverneur, à prendre les armes contre lui, ou à se révolter par la langue contre lui, à contredire le gouverneur de manière publique et à enjoindre les gens à contredire le gouverneur et se révolter contre lui, ou le contredire et rappeler, le critiquer, rappeler des défauts de ce gouverneur, le critiquer en public et autres, cette personne-là contredira ce fondement des gens de la sunna. Et donc sortira de la sunna. Donc ceci est une des bases à propos desquelles il jette le doute. Le fait qu'une personne qui contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, cette personne-là sort de la sunna. On ne dit pas qu'une personne, cette personne-là, elle a une aqida qui est bonne. Mais c'est vrai qu'elle tend vers la voie des frères musulmans. Mais c'est quelqu'un qui a une aqida salafia, mais un manhaj ikhwani. Abadan, ça n'existe pas. Une personne qui a un bon manhaj ou une bonne croyance, sans aucun doute, ne suivra pas les voies de l'égarement, les voies des ambiguïtés, les voies des innovations, selon toutes ses formes ou toutes ses couleurs, selon toutes les sectes que nous trouvons aujourd'hui. Ceci n'existe pas. La méthodologie et la croyance sont deux choses qui vont de pair. Elles sont indissociables. Si une personne essaie de les dissocier, cette personne-là n'a pas compris la voie des gens de la sunna. Et ceci est une chose à propos de laquelle certains jettent le doute aujourd'hui. Ils te disent, et nous allons y venir et nous allons évoquer certains noms des têtes qui appellent à cette voie-là, et tous ceux qui suivent ces gens-là et qui courent derrière eux, rentrent de facto dans ce que nous évoquons ici à propos de ces têtes-là. Certains te disent, il a une croyance salafia et un manhaj ikhwani. Une croyance salafia et un manhaj tabliri. Ça n'existe pas. cette personne-là est un ikhwani, est un tabliri, ou c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna. On dit que c'est un sunni, un salafi, quelqu'un des gens de al-hadith, ou al-athar, quelqu'un de ahli sunnati ou al-jama'a, et autre que cela parmi les dénominations qui renvoient toutes à une seule chose. Ceux qui ont pris leur religion selon le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala al-Qur'an, la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, à commencer par as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les premiers qui rentrent dans cette dénomination ou sous cette dénomination de as-salafus salih, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi ça? Pourquoi nous suivons cette compréhension et pas une autre? Parce que cette compréhension a été agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et quelle compréhension est meilleure? Et quelle compréhension mérite que tu la suives en dehors d'une compréhension qui a été agréée, qui a été recommandée, qui a été agréée par Allah tabaraka wa ta'ala? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن Allah les agrée et il l'agrée. Cette compréhension, cette voie, cette méthodologie a été agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, pas une autre méthodologie. Donc c'est celle-ci que tu te dois de suivre. Et ça ne fait pas partie de la bonne raison, de la raison saine, de suivre une voie dont tu ne sais pas si Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée ou ne l'agrée pas, alors que tu as devant toi une voie qui est agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans ce verset de surat al-Tawbah. Barakallahu fikum. Ici donc ce hadith que j'ai évoqué ici, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua, après avoir recommandé les cinq piliers de l'islam, d'écouter et d'obéir au gouverneur, car ceci fait partie des fondements de notre manhaj. Et il lui ordonna d'être apparent et il lui interdit de faire des choses en cachette, de faire des choses de manière cachée. Comme cela, comme vous le savez dans ce hadith, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques et autres, selon plusieurs versions, ce hadith, comme tout ce que je vais évoquer dans le cours d'aujourd'hui, je l'ai déjà détaillé dans des séries de cours, dans des cours que nous avons fait précédemment. Revenez à ces cours, soit dans des cours que j'ai fait particulièrement à propos de ce sujet précis, ou dans des séries de cours, comme par exemple les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Si vous voulez plus de détails, revenez à ces cours. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est une assise où nous nous rappelons ces fondements afin de nous renforcer les uns les autres. Barakallahu fikum. Revenez pour plus de détails à ces cours. Je ne vais pas ici détailler, comme par exemple ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Dans le sens approximatif de ces paroles, il subsistera un groupe de ma communauté sur la vérité apparent. Ce qui veut dire qu'ils sont apparents aux yeux de tous, ils ne sont pas cachés, de même que la vérité qu'ils défendent est apparente aux yeux de tous, elle n'est pas cachée. Et ceci est la vérité à laquelle appellent les gens de la sunna, une vérité claire et apparente. Et ce hadith, nous l'avons déjà expliqué en détail dans l'explication du chapitre de Al-I'tisam bil-Kitabi wa Sunna, le cramponnement au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Sahih de l'imam al-Bukhari. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Taraktukum ala al-bayda layluha ka nahariha. Je vous ai laissé sur la voie éclatante, de jour comme de nuit. Ceci est la voie des gens de la Sunna. Une voix éclatante, claire, qui ne prête pas à équivoque. Et comme cela doit être celui qui suit ce manhaj, il se doit d'être clair. Ne pas faire des choses en secret. Ne pas être incompréhensible lorsqu'il parle. Plutôt être clair, avoir des paroles claires, appeler à la vérité clairement, défendre cette vérité clairement. Et si l'un d'entre nous a des ambiguïtés, wal'iyadu billah, il se doit d'être clair avec ses frères, de mettre en avant ses ambiguïtés afin que ses frères l'aident. De même que ses frères, s'ils connaissent une personne, comme on va le voir ici, concernant l'affaire de la réfutation et la mise en garde, et avant cela la réfutation à celui qui est tombé dans l'erreur, de même que ses frères doivent être magnanimes avec lui lorsque cette personne est connue comme étant une personne des gens de la sunna, mais qu'il tombe dans des ambiguïtés. Comme le disait l'allama Rabi'u ibn Hadi, rahimahullah ta'ala, celui qui est malade a besoin qu'on l'emmène à l'hôpital. Il n'a pas besoin qu'on l'emmène à l'abattoir. La personne parmi tes frères qui est malade, qui a cette maladie des ambiguïtés, une ambiguïté ou deux ou trois qui le touchent, cette personne-là, elle mérite que tu sois magnanime avec lui, que tu sois doux avec lui et que tu l'emmènes à l'hôpital, que tu l'emmènes se faire soigner de cette ambiguïté et non que tu te débarrasses de lui et tu l'emmènes à l'abattoir. Et chaque situation a sa solution. Et chaque situation est un cas particulier. On ne dira pas, et ceci fait partie aussi des bases à propos desquelles il jette le doute, on ne dira pas qu'il faut patienter pendant des années sur la personne qui est dans l'erreur, quelle que soit l'erreur dans laquelle elle tombe, quelle que soit la manière dans laquelle elle fait cette erreur, quelle que soit la voie qu'a empruntée cette personne-là, il faut patienter avec lui jusqu'à... Non, il y a des règles à cela, comme nous allons le voir, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Donc, ce rappel à Yuel Ikhwa concernant la clarté de ce manhaj. Et ce manhaj, bien qu'il soit clair et apparent, c'est un manhaj, c'est une vérité, c'est un manhaj de vérité, et cette vérité est une vérité qui est lourde et qui a besoin d'hommes pour la porter. Cette vérité est une vérité qui est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Cette parole, cette vérité est lourde. Elle a besoin d'hommes pour la porter. Elle a besoin d'hommes qui ont des épaules, d'hommes qui ont acquis la science profitable et qui œuvrent des œuvres pieuses, qui défendent cette vérité. Elle n'a pas besoin de asagir, comme on l'a vu dans le cours de Awa'iq al-Talab. Et vous savez aujourd'hui ce que sont al-asagir, la définition donnée par les gens de science, que ce soit les gens de l'innovation, première chose, ou les petits, ou les insignifiants, quelle que soit cette définition donnée par les gens de science, elle n'a pas besoin de ces gens-là. Des gens qui se prétendent, après 2-3 années d'études, être des personnes qui vont défendre ce manhaj et qui font plus de mal à ce manhaj sur tous ces réseaux, etc., comme vous pouvez le voir. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de personnes qui sont ancrées dans cette science, ancrées dans ce manhaj, et qui savent comment le défendre. Et elle a besoin donc de nous, que nous nous éduquions sur ce manhaj, et nous recherchions la science du livre d'Allah, la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'être de ceux qui la défendent de la meilleure des manières. Et comme cela, cette voie est difficile et lourde à supporter. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que à la fin des temps, il y aura des gens qui seront celui qui se cramponnera, celui qui empoignera sa religion, qui se cramponnera à sa religion sera comme une personne qui empoignera une braise. La personne qui se cramponnera à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera comme une personne qui empoignera une braise. Parmi ces bases et ces fondements, à propos desquels il jette le doute. Le Cheikh Mohammed, dans ce cours, nous dit que, et regardez, ce cours a été donné en 1434, il y a 13 ans environ. Cheikh nous dit que dernièrement, nous avons vu et nous avons entendu beaucoup de choses qui se passent sur la scène de la prédication, de l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Des paroles qui sont dites, des choses qui se produisent, et nous voyons des choses très étranges. Nous voyons nombre et nombre de choses très étranges, dans le sens approximatif de ces paroles, bien sûr. Je résume ces paroles et je fais une traduction approximative. Et certaines de ces choses que nous avons vues ces derniers jours et ces derniers temps, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes déjà passés il y a une vingtaine d'années. Et la parole du Cheikh Mohammed qui a été donnée il y a 13 ans, nous pouvons la dire encore une fois aujourd'hui. Nous parlons de choses sur lesquelles nous sommes déjà passés il y a une vingtaine d'années. Et ceci nous montre quoi, Yuel Ikhwa? L'importance de se faire ce rappel. L'importance de réviser ses fondements des gens de la Sunna. Ne pas penser que cette chose est une chose qui est acquise. Comme vous l'avez entendu, non? Ah, rapprochez-vous s'il vous plaît, frère Baraklof. Il y a encore pas mal de frères qui sont dehors. Essayez. Il y a beaucoup de frères dehors. Allahu Akbar. Khayran, inshallah. Essayez de vous serrer les frères Barakallahu. Donc, je disais, cela demande de nous de nous rappeler ces fondements, de les réviser. Et comme vous l'avez entendu, pour ceux qui ont assisté avec nous la khutbah de vendredi, de rechercher ardemment à pratiquer, à mettre en pratique ces choses, par certaines causes, parmi ces causes que j'ai évoquées pendant la khutbah, le fait de répondre à l'appel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il le dit dans son livre, « Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum, ima yuhyikum. » Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle, à ceux qui vous donnent la vraie vie. « Wa'alamu anna Allaha » Et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas à l'appel d'Allah et de son prophète, si tu ne réponds pas aux ordres d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne suis pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle te parvient, lorsqu'elle te vient, tu ne la suis pas, prends garde qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne s'interpose entre toi et ton cœur, parce que tu n'as pas suivi les ordres et tu n'as pas répondu à l'appel d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, plus tard, lorsque tu voudras y revenir, tu voudras répondre à cet appel d'Allah et de son prophète, tu ne pourras pas, car Allah se sera interposé entre toi et ton cœur. Ainsi est le tafsir des gens de science à propos de ce verset. Ceci fait partie des causes. Parmi ces causes, le fait de multiplier cette supplication qui était celle que faisait le plus notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était qui il était? Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô toi qui fais chavirer les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Ce n'est pas l'un d'entre nous, un musulman lambda, qui dit cela. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de nous alors? Nous demandons à Allah Azzawajal de nous raffermir constamment sur sa religion. Et sa religion, c'est ce manhaj, la voie des gens de la sunna. Ceci est la religion véritable, pour ceux qui le comprennent. Donc, Cheikh nous dit ici, ce sont des choses à propos de quoi nous avons parlé, sur lesquelles nous sommes passés il y a déjà une vingtaine d'années. Et nous, aujourd'hui, 13 ans après ce cours, nous pouvons dire la même chose. Ce sont des choses que nous avons déjà traitées il y a une vingtaine d'années. Cela montre l'importance de se rappeler cela. Et peut-être certains sujets que nous allons traiter ici, que nous allons voir ou que nous avons déjà vu depuis le début du cours, certains d'entre vous, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Certains d'entre vous, peut-être, l'ont oublié. Donc ce rappel est profitable. Plus que cela, il est nécessaire. Le Chir de nous dire que parmi ces choses qu'il a vues récemment, il y a de cela donc 13 ans environ, que nous pouvons voir aussi de nos jours, une affaire qui est en contradiction avec les fondements des gens de la Sunna, qui est la réprobation publique du gouverneur. Réprouver le gouverneur, ses actes, ses paroles, de manière publique. Ceci ne fait pas partie de la voie des gens de la Sunna. Et ceci rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous ai rapporté, qui se trouve dans As-Sunna d'Ibn Abi Asim, où il dit Isma' wa ati' wa alayka bil alaniyati wa iyaka wa sir. Écoute et obéis, et sois apparent, et prends garde à ne pas faire des choses en secret, en cachette. Ceci rentre dans cela. De même, Cheikh nous parle de personnes à cette époque. Et ceci est très important, Yol Ikhwan. Cheikh nous parle de cela. Il y a 13 ans, un cours qui était accueilli à bras ouverts par l'ensemble des gens de la Sunna à cette époque. Un cours qui a été relayé par l'ensemble des gens de la Sunna à cette époque. Un cours que tu trouves encore enregistré par les gens de la Sunna à cette époque. Tu le retrouves sur les sites et même sur des sites de personnes qui sont devenues des détracteurs de Cheikh Mohammed aujourd'hui. Mais l'ensemble des gens de la Sunna ont accepté ces paroles de Cheikh car ils l'ont accepté, pas parce que c'est Cheikh Mohammed ibn Hadi qui a dit ces paroles-là, parce qu'il a rapporté les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voix des pieux prédécesseurs. Et à cette époque-là, ceux qui suivaient ce manhaj de manière conforme n'ont pas trouvé quelque chose à redire à cela. Et certaines personnes qui viennent remettre en cause ce fondement aujourd'hui n'ont pas non plus trouvé de choses à dire à propos de ce cours de Cheikh Mohammed à cette époque. Qu'est-ce qui a changé depuis? Si la chose qui est le facteur qui fait que nous suivons un avis ou nous suivons un fondement ou nous prenons une chose comme étant un fondement, une base des fondements des gens de la Sunna est la parole d'Allah, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension et l'application des pieux prédécesseurs, cette chose ne doit pas changer d'une année à une autre, ne doit pas changer lorsque un shir ou un autre dit une parole ou une autre, contredit ce fondement ou ne le contredit pas. Et ceci est vraiment al-ittiba', le suivi. Et Cheikh a insisté lorsqu'il évoqua ce point-là. Et faites bien attention, c'était il y a 13 ans, ça veut dire qu'il ne parle pas de choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Il ne parle pas de cela, il parle d'autres personnes encore. Et l'histoire se répète. Et les gens sont différents. Mais les fondements restent fermement ancrés, restent les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits sur la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des pieux prédécesseurs qui ne changent pas. Et ceci nous amène à traiter d'un sujet très important que nous avons traité en détail à Yuel Ikhwa. Revenez encore une fois à ces cours. Les cours sur le fanatisme. On a parlé de ce grand mal qui se répand et qui se propage dans cette communauté. Et ceci depuis de nombreuses années. Le fanatisme. Et ce fanatisme se manifeste de différentes manières, comme je l'avais expliqué. Soit les gens se fanatisent, pour un cheikh. C'est ce à propos de quoi nous parlons bien souvent. Parfois, ils se fanatisent pour leur propre personne, leurs propres avis. Parfois, ils se fanatisent pour leur nationalité, pour leur ville, pour leur tribu, pour leur quartier. etc. Le fanatisme est de différentes sortes. Ici, nous parlons d'un fanatisme religieux pour un shir. Si shir a dit ça, c'est que c'est comme ça. Si il a dit comme ça, c'est que c'est comme ça. Où sont les preuves? Où est cette salafiyya? Où est ce suivi de la sunna? Ce suivi de la voix des pieux prédécesseurs? Ces pieux prédécesseurs qui disaient, comme le disait Abdullah ibn Abbas, « Aqulu qala Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar » Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit, et Omar a dit. Et pire encore, aujourd'hui, on peut voir que les gens qui se revendiquent, les frères qui se revendiquent de ce manhaj, n'ont pas de mal à dire, Abu Bakr s'est trompé, le meilleur de cette communauté. Abu Bakr s'est trompé. Omar s'est trompé. Un tel ou un tel parmi les grands compagnons se sont trompés, car évidemment ils se sont trompés, c'est une réalité. Radiallahu anhum ajma'in. Ceci n'empêche pas que le fait qu'ils soient tombés dans certaines erreurs, pour telle et telle raison, ceci n'empêche pas que ce sont, pour les gens de la Sunna, les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et nous ne les évoquons que en bien, et nous ne rappelons que leur bon côté. Et le fait de dire qu'un tel, lorsqu'il a émis un avis religieux, s'est trompé parce qu'il est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de les évoquer en mal. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis et qui a été acquis depuis de nombreuses années auprès des gens de la sunna. Mais pourquoi tu ne trouves rien en toi-même. Ceci est très dangereux, ayyuhal ikhwa. Regardez bien. Tu ne trouves rien en toi-même lorsqu'on te dit Abu Bakr s'est trompé sur telle affaire. Il a été à l'encontre, il a émis un avis religieux qui contredit ce hadith authentique. Abu Omar s'est trompé. Il contredit ce hadith authentique. Al-Imam Abu Hanifa s'est trompé. Al-Imam Malik s'est trompé. Al-Imam Shafi'i s'est trompé. Al-Imam Ahmed s'est trompé. Al-Imam Bukhari s'est trompé. Al-Imam Muslim. Et autres, et autres, et autres parmi les imams de la communauté. Mais lorsqu'on te dit Cheikh Intel, parmi nos savants contemporains, par exemple, et encore pire, parmi des gens qui ne sont même pas des savants, Cheikh s'est trompé, là, tu as touché un point sensible. Comment il s'est trompé? Pour qui tu te prends? Comment tu peux dire qu'il s'est trompé? Etc, etc, etc. Jusqu'à en venir aux mains, jusqu'à en venir au tabdi', de dire tu dis que Cheikh s'est trompé, tu es un mubtadi', tu sors de la sunna. Pourquoi? Parce que le fondement de la sunna, c'est ce qu'a dit Cheikh. Et ce qu'il n'a pas dit, ça ne fait pas partie des fondements de la sunna. Allahu Akbar. Nous avons besoin d'une grande éducation à ce niveau-là. Et le fanatisme est un mal, une gangrène qui a gangréné cette communauté. Faites bien attention à cela. Éduquez-vous sur cette voie que nous avons évoquée à deux maintes reprises. Cette voie qui est construite sur ces preuves du Coran, de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs. Regardez Abdullah ibn Abbas. Il dit, il s'en faut peu que ne descendent sur vous des pierres du ciel, que ne pleuvent sur vous des pierres du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit, et Omar a dit. Et certains parmi les gens, certains parmi les compagnons, ont délaissé la parole, n'ont plus adressé la parole à certains de leurs enfants, parce qu'ils contredisaient la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Le Cheikh a dit, c'est ça la vérité. Le Cheikh n'a pas dit, c'est ça qui est faux. Allahu Akbar. Donc ici, concernant la réprobation publique au gouverneur, le fait de réprouver le gouverneur, de le critiquer de manière publique, que ce soit dans une assise, que ce soit sur le minbar, que ce soit même dans une assise privée à Yoli Ikhwa. C'est pareil. Le gouverneur, tu te dois de ne pas le critiquer en public. Le gouverneur, tu n'évoques pas ses mauvais côtés en public. Car ceci, comme je l'ai déjà détaillé dans beaucoup d'autres cours, amène à un mal beaucoup plus grand que celui de se taire sur ses critiques ou sur ses mauvais côtés qui peuvent arriver, car sans aucun doute, le gouverneur est un être humain. Est un être humain qui fait des erreurs, qui se trompe. Et la voix des gens de la sunna concernant le conseil prodigué au gouverneur, la manière de rechercher la réforme du gouverneur est que la personne qui peut faire le conseil lui fait. De manière publique? Non. Il est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si Cheikh Atal ou Cheikh Atal dit oui, il faut faire comme cela. Même si Cheikh Atal ou Cheikh Atal que tu estimes. Ici, on ne parle pas de Atal ou Atal parmi Cheikh Atal, Cheikh Atal. On ne parle pas de ça. On parle de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu adores Allah, tabaraka wa ta'ala, selon la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de Zayd ou de Ubayd. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et autres, celui, dans le sens de ses paroles bien sûr, celui qui désire conseiller le gouverneur, bien sûr ça n'appartient pas à tout le monde, aux musulmans lambda. Si un musulman lambda peut le faire et que le gouverneur de telle ou telle contrée ouvre sa porte aux musulmans lambda, alhamdoulilah, mais ceci appartient aux gens de science qui sont avec les gouverneurs, qui sont estimés des gouverneurs qui ont la science pour prodiguer les bons conseils, qui ont la sagesse, et autre que cela. On ne va pas détailler ce sujet-là ici. Simplement, je vais vous rappeler certains de ces ahadiths qui sont en contradiction avec ce que peut dire Shiratel ou Shiratel ou un tel ou un tel. Celui qui désire conseiller le gouverneur à propos d'une affaire, qu'il ne lui fasse pas le conseil en public, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il lui fasse ce conseil en secret. Si il accepte, c'est une bonne chose. Et s'il n'accepte pas, il s'est certes déchargé de la tâche qui lui incombait. Ceci est la parole de qui? De Zayd ou de Ubayd, de qui? De Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. De même, la voix de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont compris cette religion, ceux dont leur compréhension est agréée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, a dit, où il lui a été dit plutôt, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, et comme cela dans le Sahih de l'imam muslim, mais cette version est la version, la narration du Sahih de l'imam al-Bukhari. Il lui a été dit à Usama, si seulement tu venais voir un tel, il parle de Uthman, Nu'affan, radiyallahu anhu, si seulement tu venais le voir, donc le gouverneur à cette époque, et tu lui parlais, tu lui faisais le conseil, si seulement tu faisais cela, qu'a répondu Usama? Il a répondu dans le sens de ses paroles, « Voyez-vous que je vais lui parler, le conseiller, uniquement, ou plutôt, pensez-vous que si je le conseille et je vais lui parler, vous en seriez informé ?» Dans le sens de ses paroles. C'est-à-dire que il le conseille, il lui parle en secret. Car c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa manière de faire ici, il nous explique comment ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui elle-même est claire. Celui qui désire conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas publiquement, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il le conseille en secret. Et voilà la voix des pieux prédécesseurs à ce sujet. Barakallahu fikum. Le deuxième sujet, comme je l'ai dit ici, je ne vais pas détailler ces sujets. Le but ici, c'est de se faire un rappel concernant des sujets à propos desquels ils jettent le doute aujourd'hui. On se fait un rappel, on se renforce les uns les autres à ce propos, à propos de ces sujets. Pour un détail plus poussé à ce propos-là, revenez à d'autres cours que nous avons déjà enregistrés par le passé. Les caractéristiques principales des gens de la sunna, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, ou sur le sitta, les six fondements, de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, et autre que cela, où nous avons déjà détaillé ces sujets, et nous avons rapporté beaucoup plus de paroles et de preuves. Ici, c'est simplement un rappel. Le deuxième de ces sujets, ce qui concerne le fait de boycotter, de s'écarter, de délaisser la personne parmi les gens de l'innovation. Et parfois, ce boycott, le délaissement, le hajar, pourra être appliqué à une personne qui n'est pas forcément parmi les gens de l'innovation. Je l'ai déjà détaillé à plusieurs reprises, comme j'ai déjà détaillé les fondements de l'hajar, le boycott, le délaissement. Le fait que ce délaissement peut être soit absolu ou complet, soit partiel, en fonction de l'état de la personne. De même, la personne qui fera cette chose, qui fera l'hajar à quelqu'un d'autre, devra observer plusieurs bienséances que j'ai déjà détaillées. Ici, ce n'est pas le but. Ici, le but, ayyuhal ikhwa, c'est de se rappeler que l'hajar, s'écarter, délaisser, boycotter les gens de l'innovation, fait partie des choses qui sont légiférées. Et il n'y a pas de doute à propos de cela. Car certaines personnes viennent jeter le doute. Ils te disent non, il faut que telle et telle et telle et telle chose, et ils conditionnent cette chose par nombre et nombre de conditions à propos desquelles il n'y a aucune preuve. Et ces conditions, elles profitent à qui? Sûrement pas à toi, qui fais partie des gens de la sunna, pour te préserver. C'est-à-dire que tu t'écartes de cette personne pour te préserver, préserver ta religion. Non, elle profitera à cette personne parmi les gens de l'innovation. Et malheureusement, ces personnes qui donnent ces conditions-là, qui jettent le doute sur cette base, qui fait partie des bases des gens de la sunna, le fait que la personne parmi les gens de l'innovation, nous le délaissons, nous nous écartons de lui, nous nous trouvons loin de lui. Ces personnes-là, parfois, qui jettent le doute, s'apparentent aux gens de la sunna. Peut-être même qu'elles ont des diplômes de grandes universités. comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, et je vais évoquer certaines des paroles de cette personne particulièrement, une personne parmi elles qui est professeur, c'est-à-dire Al-Ustadiyya, le professorat, c'est 5 à 10 ans au-dessus du doctorat. Quelqu'un qui est avancé dans les études mondaines. Quand j'ai dit mondaines, je veux dire dans les études religieuses, mais dans des universités qui octroient ou qui donnent donc des diplômes à la fin du cycle d'études. Cette personne qui a ce diplôme de l'Université islamique de Médine, qui est enseignant encore là-bas, qui a des assises et qui malheureusement est peut-être mis en avant par certaines personnes qui n'ont pas connu le détail de ces égarements, bien que nous savons de la sunna les réfuter, parmi le Cheikh Mohammed, Cheikh Rabi'a, Cheikh Obeid, l'ulama, rahmatullah alayhim, mais certaines personnes ne connaissent pas ces choses-là parce que certaines personnes veulent camoufler ces erreurs, veulent les faire oublier, ou peut-être parce que ces choses-là sont oubliées parce qu'on ne donne pas assez d'intérêt à la révision des fondements de notre manhaj. Parce qu'on ne se rend pas compte que le manhaj, la méthodologie, est une matière à part entière qu'il convient d'étudier, comme tu étudierais al-fiqh, ou sous l'al-fiqh, ou sous l'al-hadith, mustalah al-hadith, ou sous le tafsir, etc., etc., etc. Cette personne qui dit et qui assume cette parole en disant « La personne qui ne rend pas innovateur, qui ne juge pas d'innovateur Al-Jahm ibn Safwan, qui est la tête de la secte de Al-Jahmiya, la personne qui ne juge pas d'innovateur Al-Jahm ibn Safwan, cette personne-là délaisse le fait qu'il ne le juge pas d'innovateur et prend la science de lui. C'est-à-dire qu'il ne juge pas d'innovateur, ce n'est pas quelque chose à prendre en compte. Ne prends pas en considération cette chose-là. Prends la science quand même de lui. Cette personne, Al-Jahm ibn Safwan, à propos de qui, comme l'a dit Ibn al-Qayyim dans Al-Nuniyya, « لَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ » خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ كَمْ Hein 500 parmi l'ulama des contrées où se trouvent des savants à son époque, ou à l'époque de Salaf plutôt, puisque Ibn al-Qayyim rapporte la parole de Salaf dans An-Nuniyya, 500 parmi les savants, et c'est un nombre approximatif, c'est-à-dire un grand nombre, la plupart des savants de la sunna ont jugé de sa non-croyance à cette personne-là, Al-Jahm ibn Safwan, de sa non-croyance. Et cette personne-là, qui est un professeur, il est professeur de quoi à votre avis? Cette personne qui dit ça, professeur de quoi? Professeur, 10 ans après le doctorat, qui donne des cours à l'université ou en dehors de l'université. Professeur de quoi? De aqida, de croyance. De croyance, ayol ikhwa. Et il dit cette parole-là. Il dit délaissez, ne rentrez pas dans ces choses-là, puisque en gros, ces personnes-là jettent le doute sur ses fondements. Le fait de délaisser le muqtadir, de le boycotter, de s'écarter de lui. De même qu'ils appellent et jettent le doute sur la réfutation scientifique, la réfutation de celui qui s'est trompé. De même que la mise en garde contre les gens de l'innovation, ils jettent le doute sur ces fondements-là. Il n'y a pas de doute après, il n'y a pas, en fait, ce n'est pas étrange de trouver des personnes comme cela, même s'ils ont ces degrés d'études qui disent ce genre de paroles, car leur manhaj est déviant. Comme cela, certaines personnes qui ont même des assises qui sont connues et reconnues, comme récemment, certains ont propagé à propos d'une personne, mais cette personne-là, à la base, n'est pas connue des gens de la sunna. Une personne qui a une assise dans la mosquée sacrée de Mecca, qui, lorsqu'on lui parle de la mise en garde contre les gens de l'innovation et autres, il s'énerve et il dit « Délaisse cela, arrêtez de parler de cela, est-ce que tu seras interrogé dans ta tombe à propos d'un tel et un tel ?» Une parole de vérité par laquelle il veut le faux. Tu crois que si tu délaisses la mise en garde et avant cela le fait de prendre garde de toi-même. Car si les gens de l'islam mis en garde, comment les musulmans lambda ou même les étudiants en sciences ou autres prendront garde des innovateurs si les savants délaissent la mise en garde, ou ceux qui sont aptes à faire la mise en garde, comment on va prendre garde? On va faire attention de ne pas prendre la science de tel ou de tel, d'écouter de tel ou de tel. Tu penses que si tu ne prends pas garde et tu écoutes de n'importe qui, et que toutes ces ambiguïtés te viennent au point que dans la croyance dans l'asma wa sifat, tu es jahmi, dans la croyance sur l'iman, tu es murji, dans la croyance sur telle et telle chose, tu es ceci, tu es cela, parce que tu as écouté de partout et tu as appris toutes les ambiguïtés possibles et inimaginables, tu penses que tu ne seras pas interrogé à propos de cela dans ta tombe, à propos de la croyance que tu auras erronée sur Allah tabaraka wa ta'ala, alors que Allah azza wa jal a envoyé son prophète et a fait descendre son livre. Ceci est une parole de vérité, c'est-à-dire que tu ne seras pas interrogé dans ta tombe, qu'est-ce que tu as à dire sur telle personne en particulier, sans aucun doute, c'est une parole de vérité, mais par laquelle on veut un faux. La personne qui dit cela, elle veut un faux. Délaisse cette chose-là, arrêtez, il s'énerve. Ça, c'est un manhaj déviant. La personne qui dit ça a un manhaj, une méthodologie déviante, ayyuhal ikhwa. Car la méthodologie des gens de la sunna, sans aucun doute, c'est comme vous le savez, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette religion est une science, certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous l'apprenez. Ceci était la voix des gens de la sunna. De même, concernant le hajr de al-mubtadi' et des gens des ambiguïtés, il y a nombre et nombre de textes qui sont rapportés. Barakallahu fikum. Il faut savoir que ce manhaj, comme c'est un manhaj qui est clair, une voix éclatante et claire, c'est un manhaj aussi qui est un manhaj de discernement. Un manhaj furqani. Un manhaj de discernement. Et comme cela, la personne qui suit ce manhaj, as-salafi, as-sunni, cette personne-là est lui-même furqani. Vous n'avez pas vu des gens ici, même dans cette mosquée, fuir la mosquée quand certaines personnes s'avancent pour l'imamah? Hein? Ça, c'est le discernement, ayyuhal ikhwa. Barakallahu fikum. Une personne qui s'impose, comme je l'ai dit, vous vous rappelez dans un cours du dimanche il y a quelques semaines, le fait que le musulman ne doit pas s'effacer. Il doit être fort. Et ceci fait partie de l'aqidah, de al-wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu avec les gens qui contredisent la religion. Et parmi les gens qui contredisent la religion, les gens de l'innovation. Tu dois avoir cette alliance et ce désaveu avec eux. Tu les aimes pour la foi qu'ils ont et tu les détestes pour les manquements qu'ils ont dans leur foi, les manquements qu'ils ont dans le suivi de la sunna. Et ceci est la voix des gens de la sunna concernant l'iman, la foi. Et donc, cette voix est une voix de discernement, une voix qui se singularise, qui se démarque. Et comme cela, le sunni, salafi, et furqani, est quelqu'un qui se démarque, qui est singulier. Il se démarque de qui? Des voies de l'innovation. Il apparaît clairement. Il lève l'étendard de la sunna haut. Et, sans aucun doute, comme le disait Cheikh Mouqbil, rahimahullah ta'ala, la chose qui a préservé la da'wa des gens de la sunna au Yémen, c'était ce discernement. Le fait que ce discernement, qu'est-ce qui est voulu par cela? At-tamayyuz. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Le fait que les gens de la bid'a sont là-bas et toi tu es ici. Il n'y a pas de mélange entre toi et eux. Ils sont loin. Toi tu es avec les gens de la sunna et les gens de la bid'a sont là-bas. Loin de toi. Et comme cela est rapporté de Salaf, Al-Fudayl Ibn Iyad disait: je mange avec un juif et un chrétien et je ne mange pas avec un innovateur. Car j'ai peur, si je mange avec lui, je m'assois avec lui, que la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala tombe sur lui alors que je suis avec lui. Ceci était la voix des gens de la sunna. Les gens de l'innovation, là-bas. Et toi, ici, loin, éloigné. Vous ne vous rencontrez pas. Ceci est l'hajr, l'shar'i, légiféré. Comme cela, il est rapporté, je le dis, Cheikh Mohamed a rapporté cela, car Cheikh Mohamed est, hafidhahullah ta'ala, très connaisseur du recueil de sunan de Abu Dawood, il a écrit sa thèse de master comme sa thèse de doctorat à propos du recueil de Sunan de Abu Daoud, et il l'enseignait pendant de nombreuses années à l'université de Médine. Hafidahullah Ta'ala, il rapporte dans ce cours que l'imam Abu Daoud, dans ce recueil de Sunan, a rapporté une porte. Babu Mujanabati, Ahlil Ahwa, wa Bourdihim. La porte, le chapitre, le sous-chapitre du fait de s'écarter des gens, des passions, et de les détester. El Mujanaba, c'est le fait de s'écarter, mais que les gens de qui tu t'écartes sont Fijanib, et toi tu es Fijanib bin Akhar. El Mujanaba en arabe, ça veut dire que ceux de qui tu t'écartes, ils se trouvent d'un côté, et toi tu te retrouves de l'autre côté. C'est ça le Mujanaba. C'est ça le sens dans la langue arabe. Vraiment loin, éloigné, vous n'avez rien, vous ne vous rencontrez pas. Et ça, c'est le tabouib, le chapitre qu'a donné, le titre qu'a donné l'imam Abu Daoud à ce chapitre. Et dans ce chapitre, il rapporte le hadith rapporté par Abu Dharr, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalul a'mal, al-hubbu fillah, wal-burdu fillah » Les meilleures des œuvres, ou la meilleure des œuvres, est l'amour en Allah et de détester en Allah. Comme cela dans ce hadith qu'on a déjà évoqué, comme vous le savez. « Awthaqu ura al-iman, al-hubbu fillah, wal-burdu fillah » Lance la plus solide de la foi est l'amour en Allah et de détester en Allah. Et c'est bien cela, la croyance de l'Wala, wal-bara. Comme cela, l'Allam Rabi', lorsqu'il réfuta cette personne, ce docteur, qui a dit la parole que je vous ai évoquée précédemment, il parla de cette personne en disant que cette personne a jeté le doute, a voulu jeter le doute en écrivant un livre qu'il a appelé Nasiha. Et il a traité les gens de la Sunna d'être des exagérateurs et des gens qui sont étranges à la Sunna. Et il a pensé, comme le dit Cheikh Rabi, il a pensé remédier à cette fitna, ce trouble ou ces troubles qu'il trouvait sur la scène de la prédication en écrivant ce livre An-Nasiha. Et dans ce livre An-Nasiha, il traita de plusieurs sujets. Donc c'est un conseil comme il l'a prétendu pour les gens de la Sunna, comme il l'a prétendu. Et bien sûr, les gens de la Sunna, pour cette personne-là, est comme ses prédécesseurs. Des gens qui appellent à un manhaj qu'ils appellent Al-Wasi', Al-Afiyah. Retenez ces termes-là, retenez ces règles-là que je vais vous évoquer ici. On va terminer le cours sur cela. Je ne vais pas vous donner tout le cours que j'avais préparé, mais Inch'Allah Ta'ala, on va terminer sur cela. Comme je vous l'ai dit, c'est un cours qui devait durer à peu près une heure, où on se fait le rappel. Ce n'est pas conditionné que je vous donne tout ce que j'ai rapporté ici. Alhamdulillah, ce que j'ai évoqué ici suffira. Je vais vous évoquer certaines règles inventées et innovées qu'ont donné un grand groupe de personnes. Cheikh Rabi a cité le nom de ces personnes-là, donc je vais attendre de lire cette partie-là, puisqu'il les a cités, walhamdulillah, en réfutation justement à ce docteur qui se prétend de remédier, à travers ce livre qu'il a appelé Le Conseil, à ces problèmes qu'il a trouvés dans la scène de la prédication. Parmi ces règles, al-manhaj al-wasi'ul afiyah, c'est-à-dire la voie grande et large, une voie qui englobe tout le monde, une voie qui englobe les gens de la Sunna, une voie qui englobe aussi des personnes qui tendent vers la Sunna mais qui se revendiquent d'autres voies, innovées et égarées. La voie large et vaste et grande, on en a déjà parlé dans d'autres cours, je l'ai déjà évoqué. Si vous voulez un détail plus particulier pour ceux qui sont arabophones, j'ai déjà aussi expliqué cela à travers des cours que j'ai donnés dans notre mosquée, à Nouakchott, dans la ville de Nouakchott, Jami' al-Imam Tabari, a une explication de ces règles innovées et inventées. Vous les trouverez sur Ahl al-Dhikr, ils ont été pour certains propagés, et d'autres que j'ai demandé qu'ils ne soient plus propagés, donc ils sont propagés sur le groupe de la mosquée, de notre mosquée, Jami' al-Imam Tabari à Nouakchott. Pour ceux qui sont arabophones, qui veulent plus de détails, car j'ai détaillé vraiment sur une grande série de cours, une longue série de cours, ces égarements. Pourquoi j'ai détaillé ces égarements? Parce que c'est des égarements que nous retrouvons encore. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Des règles et débats sur lesquels ils jettent le doute ». Et même si certaines de ces personnes qui ont inventé ces règles sont mortes aujourd'hui, mais leur pensée et leur voix perdurent et persistent à travers certains de leurs élèves. Et malheureusement, certaines personnes qui s'apparentent aux gens de la sunna, soit par naïveté, soit par ignorance, soit par suivi des passions, ont adopté ces règles. Et pour certains encore, et même ici en France, les ont enseignées. C'est pour cela que chez certaines personnes, ce sont des règles qui sont acquises. Et si tu lui dis que ce sont des règles innovées, il est déboussolé. Parce qu'il a appris comme cela. Il a appris que le manhaj, c'était comme cela. Il y a de cela plus de 20 ans. Le livre de référence, on va dire, je dis de référence, ce n'est pas vraiment de référence, mais un livre qui était mis en avant par certains sites qui se revendiquaient de la salafia à l'époque, lorsque la salafia était très mal comprise ici en France. En l'occurrence, un site qui s'appelait Riyad Salihin. Qui connaît ce site-là? Les anciens. Les anciens. Très peu. Et regardez. Sur ce site, le livre qui était mis en avant, c'est un livre de Ali al-Halabi qu'on va évoquer ici, qui est un grand innovateur qui est décédé aujourd'hui, Ali al-Halabi, Ali Hassan, et ce livre sur Da'wa Salafia. Lui, il t'explique, lui, la Da'wa Salafia, c'est ça qui était propagé en français sur ce site-là. Comment tu veux que les gens de la France, leurs prêcheurs et ceux qui ont assisté à leurs cours peuvent s'éduquer si c'est ça? C'est ça la Salafia qu'ils ont connue. Quoi qu'il en soit. Et parmi ces choses qu'il développait dans ce livre, ces règles innovées que je rapporte ici, donc Al-Manhaj Al-Wasi' Al-Afiyah, donc cette voie large et vaste qui englobe tout le monde. Venez tous, venez. Ça, c'est la voix de qui, ça? La voix des Ikhwan. Da'watu Tajmi'. Du moment que tu es avec nous, Alhamdulillah. Si tu es avec nous, même si tu n'es pas musulman, comme je l'ai déjà évoqué dans des cours, comme vous le savez, Hassan al-Banna disait dans certaines de ses lettres, il a Akhina, Louis Fanous, Akhuna, notre frère, Louis Fanous, un chrétien, qui faisait partie des frères. Quoi qu'il en soit, Barakallahu fikoum, Cheikh Rabi' donc parle de ce docteur qui dit qu'il a, dans ce livre, voulu remédier à certains problèmes qu'il a vus au niveau des jeunes, au niveau de la prédication. Et donc, il dit qu'il a rapporté beaucoup de règles qui viennent conditionner la légitimité de faire le hajr, le boycott, le délaissement de la personne qui contredit les gens de la sunna, de même que la réfutation de cette personne. Il a conditionné ça avec nombre de conditions. Et comme le dit Cheikh ici, il a réuni un grand nombre de conditions que seul l'injuste et en gros cet innovateur ou celui qui contredit les gens de la sunna profite de ces conditions. C'est-à-dire que cette personne-là, il a été un mukhadhil des gens de la sunna, c'est-à-dire qu'il les a délaissés. Il ne les a pas secourus. Dans ce texte qu'il a écrit, soi-disant pour secourir et pour remédier à des problèmes qui se trouvent au niveau de la prédication des gens de la sunna comme il le prétend. Il n'a pas secouru les gens de la sunna, il les a délaissés. Il les a laissés tomber. Khadhalahum. Et, comme l'a dit Cheikh, à partir de là, les gens de la sunna ont été très contrariés par ce qu'a écrit ce docteur. Puis il nous dit, parmi ces choses, avant de parler, faites bien attention, ça aussi, ça fait partie des choses très importantes sur lesquelles on doit s'éduquer. Et Cheikh Rabi, elle lui dit, à cette personne qui est un professeur qui est âgé, etc., etc., cette personne que je vous ai évoquée précédemment, il dit, il était, et donc nous devons nous éduquer sur ces conseils que nous donne l'ulama, il dit, il était impératif pour toi, avant de parler à propos de ça, de connaître les causes de la divergence entre les jeunes. Toi, tu as voulu remédier à cette divergence que tu trouves entre les jeunes. Un tel qui fait le hajr, qui boycotte un tel qui réfute un tel qui n'est pas d'accord avec un tel. Il fallait avant cela, avant de commencer à parler et à penser remédier à cela, connaître les bases et les fondements, ou connaître les causes, pardon, de cette divergence entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils se font le hajr mutuellement? Pourquoi est-ce qu'ils se réfutent mutuellement? Si tu avais cherché à propos de cela, tu aurais trouvé. Mais non, toi, tu as préféré donner raison à l'injuste, le secourir, Et ceux parmi les gens de la Sunna qui ont réfuté, qui ont fait le hajj, qui se sont écartés des gens de l'innovation et qui ont réfuté ces règles innovées, ces personnes-là, tu as dit que ce sont eux les injustes, que ce sont eux qui n'ont pas compris al-manhaj, que ce sont eux qui n'ont pas compris la manière de faire al-hajj. Et parmi ces choses, juste pour l'évoquer rapidement, j'ai déjà évoqué précédemment, parmi ces choses, il faut voir que cette personne-là, parmi ses égarements, elle dit, on va en profiter de cela, que j'évoque cela, elle dit parmi ses égarements, elle dit premièrement, parmi ses égarements, elle dit que parmi les choses qui font d'une personne, parmi les gens de la sunna, ou pas parmi les gens de la sunna, les bons comportements. Une personne peut sortir de la sunna parce qu'elle n'a pas de bons comportements. En 1447, tu entends cela alors que les traités des gens de la sunna, il y en a combien ? Ou sur le sunna de l'imam Ahmed, ou sur le sunna d'Ibn Abi Zamanin, ou sur le sunna d'Al-Raziyayn, ou sur le sunna d'Ali ibn al-Madini, tous ceux qui sont rapportés par l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Usul al-I'tiqad, ou sur le sunna d'Al-Awza'i, ou sur le sunna de Soufyan, Al-Thawri, tous ces livres, Sharh Usunna d'Al-Barbahari, Al-Shari'a d'Al-Ajurri, tous ces livres qui traitent des fondements des gens de la sunna, où tu as trouvé cette chose-là ? Où ? Où ? Une personne qui n'a pas de bon comportement sort de la sunna. Et donc, il se sert de cela pour dire, regardez, les jeunes qui s'apparentent à la sunna, regardez, ils ont des mauvais comportements, ils sont comme ça, ça contredit. Sans aucun doute, nos pieux prédécesseurs avaient les meilleurs des comportements. Et nous devons, si nous sommes véridiques dans le suivi de nos pieux prédécesseurs, de prendre ces comportements, de s'éduquer sur cela. Mais en aucun cas, les gens de la sunna disent que la personne qui a des mauvais comportements, il sort de la sunna. Quoi qu'il en soit, parmi ces erreurs aussi qu'il a dit à propos de l'hajr, précisément, le boycott, le fait de délaisser la personne parmi les gens de l'innovation, il dit que ceci n'est pas praticable que si la personne à qui tu fais le hajr, que tu délaisses, que tu boycottes, cette personne-là tire profit de ce hajr. Si elle ne tire pas de profit, yarhamukallah, si elle ne tire pas de profit apparent, tu n'as pas le droit de faire le hajr. Il met cela en condition. Yarhamukallah. La base de l'hajr, ayu al-ikhwa, la base de l'hajr, du boycott, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, j'ai expliqué cette affaire, ce sujet en détail, la base, c'est pour te préserver. Toi, l'hajr, toi qui t'écartes de cette personne, tu te préserves dans ta religion. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au retour de la raison de Tabouk, a ordonné de faire le hajr de plusieurs personnes, dont Ka'b ibn Malik wa sahibayh. Pourquoi ? Parce qu'il a eu peur que ces personnes étaient des hypocrites jusqu'à ce que la révélation soit descendue et les ait innocentés. Il a eu peur, sallallahu alayhi wa sallam, que ces personnes soient des hypocrites et que si les musulmans se mélangent à eux, ils soient touchés par cette hypocrisie. Donc nous voyons dans cela, ce hadith qui est rapporté dans Sahihain, nous voyons dans cela que la base de l'hajr, c'est qu'il est légiféré pour se préserver. Toi, quand tu t'écartes de quelqu'un, tu cherches à préserver ta religion. Tu ne cherches pas, en premier lieu, à ce que cette personne tire profit de ce hajr. Ça, c'est une grande erreur de cette personne de docteur. Quoi qu'il en soit, comme le dit Shir, toutes ces conditions que tu as mises, ayouad docteur, ne sont profitables que pour les injustes, ceux qui contredisent les gens de la sunna. Puis, il dit, lorsque la personne qui lit ton conseil ne sais pas et n'entends pas à travers ton conseil qui sont ces personnes qui ont été les causes de la fitna, les causes des troubles entre les jeunes, des gens de la sunna, lorsque tu n'en as pas cité un seul, je me sens dans l'obligation de les citer. Cheikh les cite. Adnan Ar'our, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Ali Hassan al-Halabi, et ceux qui ont été avec eux, comme Mashour Salman, Hussein al-Huwaisha, un tel, parmi certaines personnes qui sont déjà venues même ici en France, même ici dans la région parisienne, à propos de qui l'ulama ont fait des réfutations depuis plus d'une vingtaine d'années. Malgré cela, certaines personnes les ont quand même invitées. Quoi qu'il en soit. Ces personnes-là, et je terminerai le cours d'aujourd'hui en citant quelques-unes de leurs règles, et en les expliquant rapidement. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là ont inventé des règles innovées et sur lesquelles certains se sont éduqués, sur lesquelles certains ont pris comme base, ou ces règles qui ont été prises comme base pour comprendre, comme ils l'ont prétendu, la voix des gens de la sunna. Et ce sont des règles innovées. Et malheureusement, certaines personnes ont appelé à ces règles-là. Et certaines de ces règles-là sont encore mal comprises par beaucoup de gens. Certaines personnes qui ont même une prédication. certaines personnes qui ont une prédication à une échelle internationale. Donc faites bien attention à cela, ayyuhal ikhwa. Écrivez cela. Nusahihu wa la nujarrihu. Ils disent comme règle, innover, nusahih wa la nujarrih. Et cela traite du troisième sujet qui a été évoqué par Cheikh Mohammed dans ce cours, ce sujet à propos desquels, ou cette base, ce fondement à propos desquels il jette le trouble, qui sont des fondements des gens de la sunna, la réfutation à celui qui tombe dans l'erreur. La réfutation et la mise en garde à propos de celui qui tombe dans l'erreur. Ceci afin de préserver la religion d'Allah Azza wa Jal, de préserver la croyance des musulmans, de préserver leur méthodologie. Comment toi tu peux accepter une mise en garde sur ton frère à propos d'une chose mondaine? Parfois, c'est une chose qui mérite une mise en garde. Parfois, c'est une chose qui ne le mérite pas. Et tu l'écoutes, et tu la propages, etc., etc. Mais sur des choses ayant trait à la religion, quand quelqu'un te met en garde sur le manhaj de quelqu'un, fais attention à lui, fais attention au poison qu'il te dit, que ce soit quelqu'un qui a une prédication, ou même simplement qu'il parle avec les gens, dans le quartier, des personnes qui propagent certaines paroles qui sont du poison, tu dis non, faut pas parler comme ça, c'est de la médisance, etc., etc. Mais pour des choses de la vie mondaine, il n'y a aucun problème. Tu écoutes, tu transmets, tu ne cherches même pas à t'enquérir de la véracité des paroles. Parfois, ces choses-là sont des choses qui sont acceptables. Une personne qui est mauvaise dans son commerce, une personne qui est mauvaise dans ses transactions, dans sa manière de se comporter, une personne qui viendra pour se marier avec ta fille, ta sœur et autres. Sans aucun doute, c'est quelque chose qui est demandé. Si cette personne est mauvaise, il faut prévenir tes frères. Et à propos de cela, nous sommes tous d'accord. Même ceux qui réfutent ces fondements-là, la réfutation de l'innovateur, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ils ne le disent pas avec leur langue, mais c'est ce que leurs actes et les paroles et les bases qu'ils viennent affirmer ici nous montrent. Ce qu'ils veulent dire, c'est que ces affaires mondaines sont plus importantes pour eux que leurs affaires religieuses. Ces affaires mondaines, leur portefeuille, leur vie au sein de leur foyer sont plus importantes pour eux que leur vie religieuse. Bien sûr, si on te met en garde contre quelqu'un qui va empoisonner ta religion, tu n'es pas d'accord, tu dis non, tu ne veux pas accepter. Tu réfutes les gens qui font cela, tu les traites de durs. Tu dis ça, ces gens-là, c'est les gens de l'jarh wa tajrih, c'est les gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, alors que cette personne-là, elle te met en garde sur la chose la plus importante pour toi. Mais quelqu'un qui te met en garde à propos d'un tel ou un tel pour des affaires de mariage, des affaires de commerce, marhaban. Et tu as raison de dire marhaban, c'est important. C'est important ces choses-là. Mais la chose la plus importante, c'est ce qui a trait à ta religion. Donc ils disent, nous sahihou wa la nujarrihou. Nous rectifions, mais nous ne critiquons pas. Nous rectifions, mais nous ne critiquons pas. Parmi ces fondements. Donc, ils te disent, nous ne critiquons pas, nous ne mettons pas en garde, simplement nous rectifions les erreurs. Si c'est une erreur, on rectifie l'erreur, mais on ne critique pas, on ne met pas en garde. Nous sahihou wa la nujarrihou. Ils disent aussi, idha hakamta, hukimta. Lorsque tu juges quelqu'un, tu seras jugé. Il dit ça pour faire peur aux gens. Attention! Si tu juges, tu émets un jugement sur quelqu'un, toi aussi tu seras jugé. Ceci afin de faire peur aux gens de la sunna. N'émets pas de jugement sur une telle ou une telle parmi les personnes. Quand on dit émettre un jugement, rapporter la parole des gens de science sur un tel ou un tel, fais attention. Parce que si tu juges, toi aussi tu seras jugé. Ne parle pas du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala parle de, si tu parles sur cette personne, tu dis cette personne est quelqu'un de déviant, toi aussi on parlera sur toi. C'est de faire peur aux gens de la sunna avec cette règle. Ils disent aussi, parmi leurs règles, ils disent « La yalzamouni ». Cette règle est une grande règle chez eux. « La yalzamouni », ça ne m'implique pas. Je ne me sens pas obligé, je ne suis pas obligé. Tu n'es pas obligé de quoi? De prendre la mise en garde des gens de science à propos de telle personne. On parle d'une mise en garde à propos desquelles il y a des preuves à l'appui. Des preuves à l'appui, cette personne est quelqu'un de déviant. De par ses paroles, ses actions et autres. Il y a des preuves à l'appui. Tu dis, là, il y a le Zamouni. Ça ne m'implique pas, ça ne m'engage pas. Je ne suis pas obligé. Non, un tel a dit, je ne suis pas obligé de prendre. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je suis obligé de le prendre. Tu fais l'autruche. Tu mets ta tête sous terre et tu dis, il n'y a rien. Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je suis obligé de le prendre. Ce qui était obligatoire, ayyuhal muslim. Alladhi yalzamuka wal haqq wattiba'u. Ce qui était obligatoire, c'est de suivre la vérité, où qu'elle se trouve. Si on te dit que cette personne qui est ton chir, qui est la personne que tu aimes, que tu vois que du bien chez lui, on te rapporte que cette personne est telle et telle et telle, comme cela, que les gens de science ont dit telle et telle chose sur lui, ce qui t'implique à toi c'est de délaisser cette personne-là parce que la vérité t'est parvenue. C'est ça qui t'implique, qui nous implique tous, qui nous incombe tous. Comme cela, ils utilisent une règle très dangereuse qui est Hamlul Mujmal al-Mufassal. Hamlul Mujmal al-Mufassal, c'est-à-dire de prendre les paroles, de prendre les paroles abstraites d'une personne non détaillée et de les conditionner par ces paroles détaillées qu'on trouvera à un autre endroit. J'explique un peu plus, j'ai déjà expliqué précédemment. Une personne qui aura dit une erreur claire, sans équivoque, dans un livre, dans un cours et autres. Cette personne-là, la voix des gens de la Sunna, c'est de réfuter cette parole-là. De réfuter cette parole-là, il l'a dit publiquement. Comme le disait Maymoun ibn Mihran, parmi les salaf, il disait « Man asa'a alaniyatan, falyatub alaniyatan, wa man asa'a sirran, falyatub sirran. » Celui qui a fait une erreur en public, qu'il fasse un repentir public. Celui qui a fait une erreur en secret, qu'il fasse un repentir en secret. Si tu as fait une erreur que tout le monde a entendue, tu te dois de corriger cette erreur en public. Si tu ne le corriges pas, les gens de la sunna de vérité se doivent de te réfuter en public afin que les gens ne soient pas trompés par cela. Et ceci même si la personne est une personne parmi les gens de la sunna. Faites bien attention. Ça, c'est la réfutation. La réfutation et réfuter et rectifier l'erreur, ceci même si cette personne fait partie des gens de la sunna. Et parfois, c'est même plus difficile lorsque cette personne fait partie des gens de la sunna. Omar ibn Khattab disait, radiyallahu anhu, مَا تَرَكَ لِي قَوْلُ الْحَقِّ صَاحِبًا. La parole de vérité ne m'a pas laissé un seul ami. Regardez la parole de Omar. Il n'a pas parlé des gens de l'innovation. Il n'a pas parlé des gens qui sont contre toi. Les gens qui sont contre toi ne sont pas tes amis. Les gens de l'innovation ne sont pas tes amis. Il dit, la parole de vérité, le fait de dire la vérité, de dire le haq, où qu'il soit, quand il doit être dit, ça ne m'a pas laissé une seule personne. Parce que dire la vérité, c'est plus difficile lorsque c'est ton ami intime. Lorsque c'est quelqu'un que tu aimes, lorsque c'est ton chir, lorsque c'est la personne que tu mets à une place sur un piédestal, c'est plus difficile encore, mais tu te dois de dire la vérité et d'accepter cette vérité. Et c'est ça qui est difficile. Quoi qu'il en soit, le fait de prendre des paroles qui sont détaillées, de prendre une parole qui est générale, même si cette parole est une erreur claire, sans équivoque, ils te disent attention. Arrête-toi tout de suite, attends, on va pas, même s'il a fait une erreur, c'est clair, c'est une erreur clairement, d'accord, et ne parle pas sur lui, attends, on va chercher dans ses livres, dans ses cours, et parfois ils vont éplucher pendant des jours, des semaines, ses livres, ses cours, pour trouver une parole détaillée à ce sujet, où dans cette parole, eh bien, elle ne fait pas l'erreur. Ils disent, ne parle pas sur lui, parce que dans certains de ses paroles, il dit la parole de vérité, même si ici il a fait une erreur, mais cette parole de vérité vient prendre le dessus sur cette erreur qu'il a dit. Et ça, c'est une règle très dangereuse par laquelle ils ont défendu les têtes de l'innovation. Parmi eux, parmi les plus grandes têtes de l'innovation, c'est Sayyid Qutb, qui a dit des paroles très graves. Des paroles très graves au point que certains de nos savants disaient, comme Shir Ubayd le disait, rahimahullah ta'ala, si je ne jugeais pas que cette personne est un ignorant, j'aurais jugé de sa non-croyance. Tellement, ce sont des paroles graves. Mais ils vont chercher pour dire « Ah, non, à ce moment-là, il a dit une parole qui vient prendre le dessus sur cette parole de fausseté. » Non, ceci n'est pas la voix des gens de la sunna. Une dernière et je m'arrêterai ici. Non, deux dernières et je m'arrêterai ici. « La yuqbalu al-jarh »« La yuqbalu al-jarh illa idha kana ijma'a » Le « jarh », la critique, n'est pas acceptable que lorsque cette critique est un consensus. Ils te disent, on n'accepte pas la critique que s'il y a un consensus. C'est-à-dire que si un, parmi les savants de la sunna, a fait une réfutation sur quelqu'un, a détaillé ses erreurs, et faites bien attention, cette chose-là, vous le voyez tous les jours. Si une personne parmi les gens, et chez des gens de la sunna, si une personne parmi les gens de science a détaillé l'erreur d'une personne, on te dit, non, je n'accepte pas ce détail, je n'accepte pas cette réfutation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tous parlé, ce n'est pas tous les savants, ce n'est pas un consensus auprès des savants sur le fait que cette personne-là est un innovateur ou s'est trompé ou a fait une erreur. C'est la même parole que, c'est vrai, il y a peut-être une erreur ici, mais il y a un tel qui recommande quand même cette personne-là. Il y a une tesquia d'un tel sur lui, donc c'est bon. Mais il est tombé dans une erreur claire. Oui, mais il y a une tesquia d'un tel. Notre cher Cheikh Hassan Rahmatullah Ali, Rahimahullah Azza wa Jal, il disait, « Al-Muzakki, Wallah, Al-Muzakki, ou Allah, celui qui purifie. Ou ici, la tazkiya, on le traduit par la recommandation. Mais c'est une recommandation dans le sens de la purification. C'est-à-dire qu'on dit que cette personne-là est viable, est fiable, est pure, est bonne. C'est ça la recommandation. Il disait Al-Muzakki, ou Allah, moi je ne fais pas tazkiya, je ne fais pas de recommandation. Al-Muzakki, c'est Allah. Moi je fais un ta'rif. Je fais connaître les gens. Je dis un tel, je le connais en bien, etc. etc. Al-Muzakki, ou Allah, si une personne te fait ce qu'on appelle une tazkiya, une recommandation, mais toi tu es mauvais. Cette recommandation ne te sert en rien. Quoi qu'il en soit, on n'accepte pas la critique que s'il y a ijma'. Tu rapportes une personne, un tel a réfuté telle personne car il est sur cette, telle et telle voie. Il te dit, oui, mais que dit un tel à propos de cela? Que dit un tel? On t'a dit que cette personne a été réfutée pour telle et telle erreur et que c'est un savant de la sunna estimé qui a réfuté cette personne-là. Pourquoi tu cherches à savoir qu'est-ce que un tel a dit? Qu'est-ce que un tel a dit? Pourquoi sa parole à un tel aura plus de valeur que la parole de l'autre? Ce qui a de valeur, c'est la vérité, c'est l'épreuve. C'est ça la voie des gens de la sunna. Et cette dernière de ces règles, At-tasabbut min akhbari thiqat. Très important. Ils disent, ces gens-là, ils disent lorsqu'une personne fiable vient avec une information, ils disent non, il faut s'enquérir de la véracité de cette information-là. Ils vont jusqu'à dire même, comme le dit Ali Hassan, il disait, il n'y a pas de preuve à propos de cette science de l'jarh wa ta'dil. Allahu Akbar. Tu as l'impression que cette personne ne lit pas le Coran, n'a jamais lu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, il n'y a pas de preuve sur l'existence de cette science, l'jarh wa ta'dil, la science de la critique et de l'éloge. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, wa fi qira'a fatathabbatu. Comme le dit Al-Hafid ibn Kathir. Allah Azza wa Jal nous dit, vous qui avez cru, lorsque vous vient un pervers avec une nouvelle, enquérissez-vous de la véracité de cette nouvelle. Il dit dans son tafsir, Al-Hafid ibn Kathir, lorsque vient un pervers, il t'est obligé de t'enquérir de la véracité de cette nouvelle, de même qu'une personne dont tu ne connais pas l'état, et à l'inverse qui est compris, à l'inverse de cela, c'est qu'une personne qui n'est pas perverse et dont son cas est connu et qui est quelqu'un de fiable, tu ne t'enquéris pas de la véracité de sa parole, mais plutôt tu l'acceptes. Ceci est la voie des gens de la sunna. Et bien sûr, ils utilisent cela pour réfuter des personnes qui auraient réfuté d'autres personnes et pour repousser et rejeter la réfutation et la mise en garde. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.